bannissement de ce que nous étions, à la trace bigarrée d'un crépuscule serein. Je te loue aussi, ô mort. Comme un enfant qui s'aime, un pardon inattendu, comme un martyr qui discerne l'éternité dans son agonie, comme un forçat prouvant son innocence. Autrefois les troupes tombaient en tremblant sur ton chemin, s'agrippant à l'esclavage de leur peur, s'inclinant devant l'égoïsme le plus rusé. Ta présence résout l'hésitation. Je méprise les peurs de tant de spectres, et je nage face aux courants les plus ardus. De la candeur de mon désert, j'attends ta caresse tissée dans des formes d'albâtre. Quand tu libéreras cette poussière étrangère et présomptueuse, tu me conduiras dans une immense prairie. Irrigué par les eaux d'un Gange vierge, où hommes et bêtes paissent ensemble. Comme un enfant qui célèbre un pardon inattendu, comme un martyr qui discerne l'éternité dans son agonie, comme un forçat prouvant son innocence. Autrefois les troupes tombaient en tremblant sur ton chemin, s'agrippant à l'esclavage de leur peur, s'inclinant devant l'égoïsme le plus rusé. Ta présence résout l'hésitation. Ta présence résout l'hésitation. Je méprise les peurs de tant de spectres, et je nage face aux courants les plus ardus. De la candeur de mon désert, j'attends ta caresse tissée dans des formes d'albâtre. Quand tu libéreras cette poussière étrangère et présomptueuse, tu me conduiras dans une immense prairie. Irriguée par les eaux d'un Gange vierge, où hommes et bêtes baissent ensemble. Mon cœur s'emballe lorsque j'entends ta mélodie. Tu ouvriras doucement les portes de ma descendance, et tu me pareras de manteaux de bonheur débordant. Je verrai Christina me recevoir radieuse, avec des bouquets de glaïeuls à la main, et nous nous embrasserons comme autrefois. Fatigué de ces jeux, je la verrai sauter de la plage et reposer sereinement sur mes genoux.